Je, moi, j'ai su juste en passant, et mes trésors s'entassent, quelque part là au ciel. Les anges me font signe, depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel ne te passe chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde, Seigneur. Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel ne te passe chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Dieu bien-aimé, notre Père céleste, Amen. Nous te remercions ce soir pour le grand amour que tu as manifesté à notre égard, l'expression de ta bonté envers nos personnes, qui fait que nous soyons vivants et présents. Nous étions séparés d'ici dimanche, rentrant chacun à son domicile. Et puis des nuits se sont succédées où nous nous endormions comme des cadavres, comme des morts, ne sachant pas si les jours suivants nous allions nous réveiller ou pas. Mais lundi, tu nous as réveillés. Mardi, tu nous as réveillés. Mercredi matin, tu nous as réveillés. Et c'est là par ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Par ta bonté grâce à laquelle nous respirons encore. Par ta bonté qui nous donne le mouvement. Et toutes choses qui maintient ce corps debout en activité. Nous t'exprimons notre reconnaissance et te disons grandement merci Seigneur. Laisse que nous puissions utiliser chaque énergie que tu nous donnes, chaque mouvement que tu nous donnes à ton seul service pour ta seule gloire, pour l'obéissance à la parole et pour le royaume de Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes dans la joie de venir ici dans la maison du Seigneur Dieu pour l'invoquer et l'écouter, pour communier avec lui et apprendre ses voix. Descends maintenant ce soir et communie avec chacun et nous chaque prière pour croire à tous les besoins, Seigneur, que nous soyons secourus en profondeur et durablement. Car tu as des meilleures solutions à nos problèmes. Tu nous as appris à ne nous inquiéter rien. Jéhovah Jireh existe. Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Nous avons confiance en tes promesses. Nous avons confiance en ta grande puissance. Puissance illimitée du Dieu vivant, capable de tout régler. Béni soit ton nom ce soir. Et envoie l'évangile de vie. L'évangile de notre salut pour que nous soyons protégés du malin, protégés de la séduction, protégés de toutes les faussetés qui sont, pour que nos âmes soient nourries à ta présence, pec par la mer et que nous soyons nourris par toi-même, les bons bergers qui nourrit les âmes de pauvres et délicieuses choses. Sois miséricordieux envers chacun de nous. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le psaume 115, versets 13 à 16. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Romains chapitre 8, verset 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons à chaque âme bienvenue à la table du Seigneur. Pour partager le pain de vie éternelle dans la maison du Dieu vivant, qui est son église et qui est la colonne et l'appui de la vérité. J'étais en méditation et d'une pensée à une autre, les choses ont changé. Mais par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre une pensée ce soir, d'après laquelle le ciel n'est pas divisé en morceaux pour des humains. Le ciel n'est pas divisé en morceaux pour des humains. Les cieux de Dieu. Comme on l'a entendu ici, les cieux sont les cieux de l'Éternel. À lui appartiennent les cieux et la terre et tout ce qu'il renferme. Nous l'avons entendu dimanche et c'est la vérité. Que Dieu nous aide à comprendre que les cieux, au fait, ne sont pas subdivisés en plusieurs morceaux, à différents humains. À différents hommes, à différentes femmes. Mais les cieux sont les cieux de Dieu. Qui dit amen à la vérité. Les cieux sont les cieux de Dieu. Alors, avant d'avancer, j'aimerais lire cela dans la prédication Un Paradoxe du 10 décembre 1961. Prédication Un Paradoxe prêché le 10 décembre 1961, le paragraphe 307 à 310. Kama misato na zomi. Voilà. En d'autres termes, je n'étais pas. Frère Branham commente au fait sur la prophétie qui a été donnée et qui a été interprétée à tort par les adorateurs de Branham, les idolâtres, les faussaires et tout ce que vous connaissez comme faux frères. La prophétie donnée par Danny Henry, d'après laquelle, à cause de sa prise de position, William Branham, une vaste portion du ciel lui est réservée. Alors, cela est interprété de travers, et les gens disent, les menteurs là, sont en train de se nourrir de faux espoirs, disant aux gens qu'ils iront au ciel de Branham. Et de pauvres multitudes d'âmes sont trompées comme ça, et détruites, assassinées par un tel mensonge. Quand ils meurent, il y a des faux témoignages autour de tout ça. Pour croire qu'ils sont entrés effectivement au ciel de Branham. Cette mentalité et cette fausse religion n'a rien en commun avec nous. Ils sont perdus que le jour du jugement seront tous surpris. De la volonté de Dieu. Et il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, Frère Branham commente cette prophétie. Et là il dit, en d'autres termes, comme il avait fait le choix de suivre la volonté de Dieu et s'y conformer strictement. En d'autres termes, je n'étais pas obligé de le faire. Donc, c'est lui même qui a choisi. Il a lu la même Bible que nous. Il a entendu l'évangile qui se prêche dans les églises. Mais il a opéré un choix pour l'amour de la vérité. De devoir souffrir comme Christ et pour Christ. C'est un choix personnel. Et Dieu vient pour l'encourager malgré que les humains le rejettent et continuent à le rejeter. Et en d'autres termes, il dit, je n'étais pas obligé de le faire. De prendre position pour ce message. De le prendre absolument et strictement. Je n'étais pas obligé. C'est un choix que je fais. Et jusqu'à présent, même suivre la volonté de Dieu relève du choix individuel. Et pour vous entendre le même message, et même prétendre croire le même message, et aller jusqu'à vous faire baptiser, mais le bien et le mal procèdent d'un choix individuel. À un moment, quelqu'un peut choisir Jésus et essayer de le suivre. À un autre moment, la même personne peut choisir de rejeter Jésus, de l'éliminer et de faire la cause de l'évangile. Mais Dieu a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et William Branham a fait aussi le choix. Un choix réellement définitif. C'est ce qui manque à certains dans les milieux du message, dans les milieux. Il y a des gens qui sont inconstants, trop flottants. Le matin, il voit une chose, il le contraire, ce soir il croit la contraire, le lendemain il a changé de position. Parce que la Bible a dit qu'au temps de la fin, les gens seront emporter. N'importe quoi peut emporter quelqu'un et lui faire changer de position. Nous avons le devoir de faire un constat sérieux et responsable. Pour ne pas alimenter un dialogue de sous. Un dialogue de sous avec quelqu'un qui rejette Christ sans le dire. Il le rejette par ses actes. Dans la bouche, il va continuer à donner l'impression par l'hypocrisie. Tel est le comportement des humains. Des doubles langages. En d'autres termes, je n'étais pas obligé de le faire. Mais je peux me tenir avec eux et marcher avec eux si je le veux. Mais je m'en suis tenu à... J'aime maintenir à la parole. J'aime maintenir à la parole. Est-ce que tous ceux qui viennent dans nos assemblées ont-ils cette position? Ont-ils vraiment cette position de personnellement aimer s'en tenir à la parole? Si tous dans l'église avaient une telle position, alors je dirais que oh, le pasteur serait compliqué, le diacre serait difficile. Si au-dedans de nous là, la position est authentique, savoir aimer s'en tenir à la parole. Nous ne ferons rien d'autre que nous comprendre et nous aimer. Si le frère aime s'en tenir à la parole, là, c'est le mari aime s'en tenir à la parole. Mais il n'y aura pas de problème, je vous dis. Il n'y aura pas de problème qui pourrait être impossible ou difficile à résoudre. Mais le problème ici, c'est qu'il y en a qui confessent servir Dieu, qui déclarent aimer Dieu, mais qui dans leur cœur ne s'entraînent pas à la parole. Oh, un tel comportement de ne pas s'en tenir à la parole, comportement dénominationnel. Donc de trouver des gens qui déclarent, qui prétendent on a l'air présent, ils discutent, ils vont prétendre que c'est vous qui interprétez mal. Au fait, ils ne s'en tiennent pas à la parole. Moi, je t'exhorte et je t'enseigne à t'enseigner à la parole. Fais comme moi, je m'en tiens à la parole, vous les savez. Et dans vos consciences, vous les savez. Même si vous allez chercher les pouces sur la tête, vous savez que j'aime maintenir à la parole. Il n'y a pas un seul frère et une seule sœur qui soit membre de cette église. Tout le monde est censé le savoir. J'aime maintenir Allah. Et c'est pour ça que certains méditent. Pour être sûr que tout est fait pour son plaisir. Après, informer seulement le pasteur pour le placer devant un fait accompli. Pour dire, c'est déjà fait. Chacun de nous doit aimer s'en tenir à la parole. Chaque soeur. Nous apprenons, nous devons apprendre également à nos enfants à s'en tenir à la parole. Notre éducation chrétienne pour nos enfants. Encourageons-les à s'en tenir à la parole. Encourageons-les à s'en tenir à la parole. Même à l'école de dimanche, nous devons apprendre à nos enfants à s'en tenir à la parole. Il faut donner aux enfants la position. Il ne faut pas venir accumuler seulement un tas d'histoires et les raconter ça. Il faut que ces enfants apprennent à adopter une position soutenable. Une position soutenable. Et qu'ils sachent affronter leurs petits amis, leurs collègues et les gens de leur génération, mais en ayant une position strictement axée sur la parole du Seigneur. Nous aimons ça. Et l'Esprit disait à Abraham, prophétie là de Danny Harry, tu as pris la décision correcte et exacte. Et c'est mon chemin. Donc cette position là, c'est ça le chemin du Seigneur. Savoir s'en tenir à la parole. Bébé s'en tenir à la parole. C'est ça le chemin du Seigneur dans lequel nous devons marcher. C'est ça le chemin du Seigneur dans lequel l'Église doit marcher. Bébé s'en tenir à la parole. Et en tout, qu'est-ce que les posez la question, que dit la Bible à ce sujet? Qu'est-ce que vous faire d'après la parole? On ne sait pas que ce qu'un tel pense de cela. Qu'est-ce que vous faire à la parole, d'avoir le langage de la parole, et poser les actes de parole. Que dit Amen. Dans la prophétie, il est dit, tu as pris la décision correcte et exacte. Encourage-toi aussi à prendre le même genre de décision. D'avoir aimé s'en tenir à la parole. S'en tenir à la vérité biblique. Dès que vous découvrez ce qu'elle dit, vous êtes prêt à tout sacrifier. Vous vous conformez qu'à ça. Vous n'avez pas. Comme la parole a dit, je n'ai pas de puissance contre, je ne ferai avec joie. Mais il faut que dans le cœur, vous ayez pris la décision de vous en tenir à la parole. Et donc, on va vous rappeler la parole et vous allez rentrer tout. Il s'en alla tout triste. Après avoir entendu la parole, c'est ce qu'on me dit de faire là vraiment. Après tout, je regrette. Mais ne soyez pas comme ça. C'est comment il s'en tenait aux 10 commandements, parce que ça lui était présenté sous un volet historique. Moïse avait dit, mais c'est lui qui a gardé les 10 commandements, qui était la parole très chère. C'est lui, il dit ce qu'il doit faire. Oh, maintenant il s'en va tout triste. Ça devient quelque chose de compliqué à faire. Vendre tout ce que je possède. Il y a des profiteurs là, moi je souffre tout ça. Prendre gratuitement. Les autres choses là qui disent tout, ça, je ne serai pas là. Il s'est achopé. Heureux celui pour qui la parole n'est pas une occasion de chute. Et la parole qui édifie les enfants de Dieu, c'est une occasion de chute pour toi, c'est que tu as perdu ton identité d'enfant de Dieu. Je répète, c'est la parole qui édifie les enfants de Dieu. C'est une occasion, une pierre d'achoppement pour toi, c'est que tu as déjà perdu ton identité d'enfant de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et être achoppé par la parole. Ceux qui sont des dieux écoutent les paroles de Dieu. Et ceux qui ne sont pas des dieux ne les font pas. Alors, si vous le remarquez, c'est marqué et souligné. Tu as pris la décision correcte, exacte, et c'est mon chemin. Le chemin du Seigneur, c'est s'en tenir à ta parole. Toi, dans ta vie, tu ne t'en tiens pas à la parole, parce que tu n'es pas encore exactement sur le chemin du Seigneur. Mais à chaque fois, tu as pris le chemin. Nous devons abandonner chacun sa voix pour suivre la voix du Seigneur. C'est quoi la voix du Seigneur? C'est de voir s'en tenir à la parole. S'en tenir à la vérité. Même si vous aviez pensé autre chose, quand la vérité vous revient en vérité, et qu'elle vous a révélé pour soutenir ce qui est vrai. Pour vous en tenir à la vérité. Alors si vous le remarquez, c'est marqué et souligné. Si vous le remarquez, c'est écrit en français. C'est dit en français. Et le verbe vient avant l'adverbe. Le verbe vient avant l'adverbe. À cause de cette décision capitale. C'est la suite de la prophétie. À cause de cette décision capitale. S'en tenir à la parole. Une vaste portion du ciel tapa. À cause de cette décision capitale. Cette décision qui reflète le chemin du Seigneur. Et la décision correcte, exacte, de s'en tenir à la parole. À cause de ça, une vaste portion du ciel. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Et alors, eh bien, c'est sur ça que je me posais des questions. Quand il a reçu une telle réponse, lui se posait des questions. C'est pour ça que je me posais des questions auparavant. Lorsque je mourrais, est-ce qu'il en sera ainsi? Donc moi, William Branham, c'est sur ça que je me posais des questions. Parce que lorsque je mourrai, est-ce qu'il en sera ainsi? Alors je me suis mis à penser. Une vaste portion du ciel m'attend. Et moi-même, je me pose des questions. Après, ce n'est qu'une prophétie qui était donnée. Ce n'est pas un verset de la Bible qui est dit. C'est une prophétie qui est donnée dans des rassemblements. Moi, William Branham, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est vrai, c'est encourageant. Ils allaient sans pico. C'est quand même curieux que ça peut susciter des questions. Parce que dans toute la Bible, on n'a pas un prophète qui a reçu une telle promesse en particulier. Ni Esaïe, ni Jabal. ni aucun des serviteurs dans le Nouveau Testament. Mais il se pose des questions. Quand je mourrai, moi, Branham. Mais actuellement, là, il est déjà mort. Il s'est questionné quand il est déjà mort. Comme nous disons ici. Quand je mourrai, il en sera vraiment ici. Donc là où lui s'est questionné, il y en a qui ont transformé ça en doctrine à propos de la l'infidélité. Le manque du Saint-Esprit. Lorsque je mourrai, qu'est-ce qu'il en sera ici? Ce n'est pas quelqu'un qui a pris, qui a gobé, Il s'est questionné. Lorsque je mourrai. Est-ce qu'il en sera ici? Alors je me suis mis à penser. La méditation qui lui vient en réponse au principe de ce questionnement-là. Quelle est l'inspiration qui le saisit? Et puis, c'est celle-ci. Le ciel n'est pas divisé en différentes parties pour nous là-haut. Voilà, et cavale de la bitaine, mingi pour la bise, pour la licolo. Voilà, un homme qui s'en tient à la parole. Ça, là, mon tazali, pour tous les mingi pour la bise. Pas comme les vulgaires ici, qui viennent, à côté de la bise, à côté de la bise, à côté de la bise, à côté de la parole sacrée du Seigneur, on va la profaner et raconter le parole. Ça, c'est le seul, c'est un peu pour la bise, il n'y a pas de la bise. Lui a entendu. Il a eu kaki. Il a quand même, il est revenu sur cette prophétie plusieurs fois. Donc, là, il est allé, mais parmi les fois où il revient, ici même, il y a un lorsque je mourrai, est-ce qu'il en sera ici? Une vaste portion du ciel va-t-elle m'attendre? Et alors, je me suis mis à penser. Une méditation assassine à penser. Oh, au fait, le ciel n'est pas divisé en différentes parties. Pour nous résumer là-haut. Vous pouvez penser à ceci et à cela. Mais ne percevez pas les idées du genre. Le ciel est divisé en différentes parties pour résumer. N'ayez surtout pas ce genre de pensée. Tu commenceras à vous faire croire que William Branham a une portion du ciel à lui. Et tel autre chrétien a une portion du ciel à lui. Et tel autre serviteur de Dieu aura une portion du ciel à lui. N'allez surtout pas dans ce sens-là. Est-ce que ce prédicateur fanatique est égaré? Ils prennent, interprètent comme ils veulent. J'ajoute leur propre pensée à ce que le message a dit. Et par là, ils montrent qu'ils n'ont pas cru le message. Car comme dit Frère Branham dans le verset de la portion numéro 1, du 23 mars, du matin du 23 août 1964, quelqu'un ajoute quoi que ce soit à ce que j'ai dit, celui-là n'a pas cru ce que j'ai dit. Si quelqu'un ajoute quoi que ce soit à ce que j'ai dit, celui-là n'a pas cru ce que j'ai dit. C'est un incrédule. Ouvrez les oreilles et comprenez. Ouvrez le bon œil et retenez. Tous ces gens-là qui vous déclarent verbalement être fidèles au Seigneur, mais qui sont en train d'ajouter leurs histoires, personne n'est incrédule. Ils ne croient même pas le message. Séparez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Votre salut passe des fois par là. Le salut de votre âme passe des fois par la séparation. Dieu a dit, séparez-vous et ne touchez à rien de plus. La bonne inspiration qui lui vient, c'est ce que nous méditons encore ce soir. Le ciel n'est pas divisé en différentes parties. Une telle conception, une telle pensée, de commencer à penser que le ciel est divisé en différentes parties. Tous les humains. Donc le ciel du messager Moïse, le ciel du messager Paul, le ciel du messager Jean-Baptiste, avec ses disciples là-bas, ça n'existe pas. Et ça n'existera pas. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. À l'Éternel votre Dieu appartiennent les cieux. Et les cieux des cieux. Est-ce que nous disons que Romain? Mes chers amis, il faut que ça soit rivé. Le ciel n'est pas divisé en différentes parties. Le ciel, c'est le royaume des cieux qui se trouve en nous. Non là, ils allaient beaucoup en dehors, ils allaient coller, ils allaient cacher la maison. En disant une vaste portion du ciel. On va cacher le monnaie de l'eau là. T'attends. Vous allez poser là-yo. Lui se questionne. Il y a des questions. Est-ce que l'autre se mourait? Entre la ville et ici. Non. Mais d'abord, le ciel n'est pas divisé en différentes parties. Voilà, pas question de s'égarer comme ça. Le ciel c'est pas des différents morceaux pour nous les gens. Mais pour moi, ni pour vous. Le ciel appartient à Dieu. Alors, ensuite, la pensée qui suit, nous devons retenir, c'est que le ciel, c'est le royaume des cieux qui se trouve à nous. Et c'est ce que nous attendons. Une vaste portion du ciel, c'est une portion du royaume. Un cartel de pouvoir divin. Voilà, quelque chose que les chrétiens règnent avec Christ. Voilà, c'est que quand ils seront dans le règne de Christ, chacun des chrétiens aura une parcelle de pouvoir. Une portion où s'exerce son autorité. Et alors, je vous avais fait remarquer depuis vendredi passé. Dans Matthieu chapitre 5. Comment la promesse est-elle formulée? Verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Non pas les cieux sont à eux, mais le royaume des cieux. Alors Branham dit le ciel, mais c'est le royaume des cieux qui est à eux. Mais c'est aussi ce que nous attendons. Gloire au Seigneur. Que fasse grâce de comprendre correctement la parole. Et de ne pas basculer dans des mensonges et les trompes. Alors, allez-y. Ce ne sont pas les cieux qui sont à eux. Les cieux de l'Éternel. Ils entreront dans son règne. Et ils seront dans le domaine de la domination de la royauté de Christ. Les vainqueurs, comme on l'avait dit, seront assis dans son trône. Dans son domaine. Le domaine où la royauté de Christ s'exerce. Eux auront leur part là-dedans. Pour régner avec lui. Qui dit amen. Alors, on dit encore au verset 5. Nous l'avons vendredi passé toujours. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Persécuté pour la justice. Abraham a été dénigré. Rejeté. Diabolisé. Prise de position contre la opposition des théologiens. Mais Dieu vient l'encourager. Pour dire la cause de cette importance de décision capitale que tu as prise. C'est savoir et mettre à tenir à la parole. Une portion, une vaste portion du ciel. Le ciel entendit comme quoi? En mettant le royaume des cieux. Le royaume des cieux qui est déjà à nous. En forme du Saint-Esprit. Et donc nous attendons l'exercice matériel. Est-ce que c'est facile pour tout le monde? Moi j'aime la vérité. Hein? Quand vous l'aimez et que vous avez à cœur la soif de la comprendre complètement, il a promis d'honorer le cœur saint. Mais les malhonnêtes qui prétendent tout comprendre d'emblée, même quand il s'agit de faux commentaires et de fausses doctrines, ils résistent aux orgueils. D'abord, si on doit aller concevoir le ciel comme étant subdivisé en morceaux pour les humains, on ne peut pas dire que ça, parce que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas conforme à notre message. Le message évangélique que Branham a prêché. Mais le ciel, le ciel, c'est le royaume des cieux. Voilà, ils allaient beaucoup en dire pour nous. Qui est en nous. Ils allaient quatre la maison. Le même royaume des cieux. Nous l'attendons. Ils allaient poser l'angle. Tout chrétien sait que c'est vrai. Mon Christ, nous savons que c'est vrai. La Bible dit que nous recevons un royaume inébranlable. Mais il dit qu'il y a beaucoup de choses à ma côté. Et il est encore écrit que les saints de Dieu recevront le royaume. La Sainte Nazambe va courir beaucoup de choses. Nous recevons au présent. Il y a encore promis de recevoir au futur. Ce que nous recevons au présent, c'est le Saint-Esprit. Il est le roi du ciel. Il vient habiter dans votre cœur. Il est le roi du royaume des cieux. C'est lui le roi du royaume des cieux. L'esprit que vous recevez dans votre âme. Il est le roi et le représentant du royaume des cieux. Il ne vient pas de manière à frapper les rêves. Il est spirituel. Il est esprit. Mais en même temps, les saints de Dieu entreront dans le règne. Recevront un royaume qui n'aura pas de fin. Dans sa matérialité. Ils seront par la grâce de Dieu. Nous avons lu ici dans Romains chapitre 8, en reproduisant la prédication de ce soir, verset 14 à 17, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà ce que c'est. Dieu règne sur eux, n'est-ce pas? Parce que c'est lui, son esprit, qui les conduit. Donc, il les conduit, c'est pas eux-mêmes. Ce n'est pas une organisation humaine qui les conduit. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, le roi du royaume des cieux les conduit, les dirige. C'est ça l'absolue vérité. Donc, il et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Bozanga na makambura somo kasi boyambi molimo oyo apesi lokumu na bana na yango pe kobole na yete aba tata l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu molimo yango akosangana na molimo na biso kokato na yete kozali bana na nzambe. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes héritiers de Dieu, mais co-héritiers de Christ. Et nous devons souffrir avec Christ pour être glorifiés avec lui. Or Christ, c'est lui que Dieu a établi l'héritier de tout ça. Non pas William Marion Branham. C'est le Christ Jésus. Le Christ Jésus. Qui est bibliquement établi et reconnu. Oui, héritier famille. De toutes choses. Vous voulez relire Hébreux chapitre 1 que nous avons lu ici. Allez la pensée biblique correctement. Hébreux 1 verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes les choses. Et par lui, il a aussi créé l'univers. Il est héritier de toutes les choses que Dieu a faites. Toutes les choses que Dieu a créées. Et si Dieu a pu les créer, c'est par lui Christ. Par lui le Fils unique de Dieu. Par lui Jésus-Christ. C'est par lui que tout a été fait. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 8. La vérité qui s'aligne à la vérité. Oh, que Dieu soit béni. Il est dit au verset 5 et 6. Car si les des êtres qui sont appelés Dieu, petit Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Comme coronavirus, une certaine reine qui a voulu régner pendant un temps, elle s'évapore maintenant la question. Sans avoir exterminé l'humanité. Oh, tout règne a un début et une fin. Le royaume de Dieu est éternel. Verset 6. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. Un seul Dieu est Père. Et de lui qui vient. Et c'est pour lui que nous sommes. C'est pour lui que nous existons. Un seul Dieu est Père. Verset 6, parce que pour la bise, nous moko à Jali. Et tata, vous le connaissez, mais Jali Sami n'a yé. Première pensée, c'était ça. Deuxième. Un seul Seigneur, Jésus-Christ. Par qui sont toutes les choses et par qui nous sommes. Mais c'est le mot que j'ai lié sur Christ. Donc ce seul Dieu est Père. De lui vient tout. Mais pour créer ces choses-là qui viennent de lui soient matérialisées. Un canal, un instrument, un vase, et la parole qui est le Logos, qui est le Fils. C'est par lui que sont toutes choses. Et par lui que l'univers tout entier a été créé. C'est par lui que les cieux complets ont été créés. C'est par lui que la terre a été créée. C'est par lui que tout ce que les cieux et la terre contiennent a été créé. C'est par une seule personne. Le Seigneur, nous croyons vraiment. Alors quand il était sur terre dans Jean 16, il a dit, verset 13 à 15, quand le consolateur sera venu, lui le roi du royaume des cieux, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Mais il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. Amen. Le Fils est établi héritier de toutes choses. Il a pu le dire ici clairement. Tout ce que le Père a, est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ainsi c'est par Christ et par lui Et les chrétiens, enfants de Dieu, peuvent accéder à une portion d'héritage. Parce que vous êtes héritier de Dieu, co-héritier de Christ. En tant que l'héritage, même minime, ne vous parvient pas. C'est le Saint-Esprit qui vous l'annonce. Et pour ce renard, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui lui a annoncé. Il ne passe pas pour son initié. Pas tous les cieux. Lola, mais il passe sa portion des cieux. Et c'est le Saint-Esprit qui lui a annoncé. Et c'est un humain comme nous. Il était aussi pour Mais l'inspiration et le secours de Dieu est toujours là. Pour nous garder de l'égarement. Pour garder nos pensées en Jésus-Christ. C'est très important qu'il en soit ici. Que nos pensées soient gardées en Jésus-Christ. Alors, c'est lui le Saint-Esprit qui prend de ce qui est à Jésus-Christ. Et qui vient nous les rappeler. Et qui vient nous les annoncer. Et quand il les annonce, nous prenons connaissance. Et nous apprenons que Dieu nous réserve tel et tel pour. Dans 1 Corinthiens chapitre 2e, il est écrit ici, si vous le savez, verset 9 à 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Zambe amonisi biso yango na nzela na molimo, kwete molimo akoluka luka makambo yonso, ata makambo na bozindo na Zambe. Et une chose comme ceci annoncée à un humain, une profondeur insondable. Aucun théologien n'a jamais pensé à ça. Aucun théologien n'a jamais précédé ça. Pendant tous ces âges, on y pense pas. Mais la Bible n'a jamais pas écrit. Mais le Saint-Esprit ressent ça. Il communique à l'un des co-héritiers de Christ. Comme il a pris une position qui lui attire les épreuves. Ça, c'est une chose que l'oreille n'a point entendu. Que l'œil n'a point vu. Que personne ne pouvait concevoir de lui-même. Cet esprit seul a dévoilé. Mais il faut le garder dans sa sainteté. Et ne pas suyer ça. C'est une profondeur cachée. Communiquez aussi. Hello. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Par l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est de l'homme? Nakati na bato. Nani ayebi matango na moto. Bobole molimo na moto. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Boye mosusu ayebi matango na Nzambe te, bobole molimo na Nzambe. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Biso toyambi molimo na maturité kasi molimo uta na Nzambe ete tososola makambo oyo Nzambe apesi biso. Alors, ce sont des choses que Dieu nous donne par grâce. Makambo na te Nzambe de nous multiplier ses faveurs. Alors, qui tout ça ko fulu tsa bolamu na yo. À nous-mêmes et à nos enfants. Ba biso moko pe na bana na biso. De nous multiplier ses grâces. Oui, tsa ko fulu tsa bolamu na yo. À nous-mêmes et à nos enfants. Ba biso pe na bana na biso. Nous sommes ici pour quoi tout ça? Allez, ah, tsana ko ndima nyoso wana. Vous dites amen. Vous voulez le bongo? Maintenant, que Dieu nous communique ces choses, nous pouvons savoir qu'elles nous appartiennent. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21 à 23, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Même pas dans William Branham. Tu ne peux pas mettre ta gloire dans Branham, comme Branham, il lui a été promis une portion du ciel, donc moi aussi j'ai ma part là-dedans. Ta gloire est dans le Seigneur et non pas dans les hommes. Voilà. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Tout est à vous, c'est par Christ, non? Vous êtes co-héritiers de Christ. Vous allez vous sanguiner longo, vous allez appartenir au Fils. Vous allez à Mana. Et le Fils nous revient. Le Consolateur qui est l'Esprit de vérité. Quand il viendra, il prendra de ce qui est à lui le Fils. Et il nous l'annoncera. Comme lui-même voudra. Alors tout est à vous. Dans la mesure où Christ vous le confirme, où vous le transmet, vous le révèle. De la manière que lui-même vous sait. Que personne donc ne met sa gloire dans les hommes. Car tout est à vous. Soit Paul. Soit Apollos. Soit Kepha. Moi je dirais soit Branham. Branham. C'est C'est lui, il est à nous. Nous ne cherchons pas à aller dans son ciel à lui, il n'en a pas. Il est à nous, notre précieux frère. Soit le monde. Même le monde. Soit la vie. Soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, où êtes-vous? Et vous êtes à Christ. Les serviteurs, les frères, les sœurs, les c'est à nous. Et maintenant nous tous là, nous appartenons à Christ. Christ. Et Christ est à Dieu. L'ordre divin peut-il être placé correctement dans la maison? Tout est à vous. N'oubliez pas que vous-même là, parce que le Saint-Esprit peut vous révéler. Il peut vous communiquer. Il peut vous donner. Vous-même là et tout ce que vous avez, vous appartenez à Christ. Vous allez à Christ. Et Christ lui-même appartient à Dieu. Voilà l'ordre divin. On ne peut pas se détourner de Christ pour devenir propriétaire autonome, indépendant. Tout ce que vous pouvez avoir, c'est par Christ. Rien en dehors là. Philippiens, chapitre 4. Il dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est exactement vrai comme ça. Ça doit être compris et connu comme ça. À chacun de nous là. Simon, Philippe, Étienne, je ne sais qui, voyant d'aujourd'hui et tout ce que vous voulez, chacun reçoit selon la mesure que Christ lui donne. Il est le véritable héritier de toutes les choses. C'est Jésus-Christ le Fils de Dieu. Et c'est en lui et par lui seul que chacun reçoit tout ce qu'il peut. Jean chapitre 1, encore une fois. Verset 16, il dit. Et nous avons tous reçu de sa plénitude hein, et grâce sur grâce. C'est de sa plénitude que nous autres nous restons. L'héritier complet et totalitaire de tout ce qui est. Maintenant nous sommes ses co-héritiers. Quand lui hérite, regarde maintenant parmi ceux qui ont cru à lui, qui lui deviennent obéissants et fidèles, il prend ceci de son héritage. Ah, il prend son, toi tu prends. Ah, toi ici tu prends. Toi Branham, il prend. Et encore, toi Paul, c'est lui. Comme il en juge, comme il veut nous en faire faveur. Est-ce que vous comprenez ça? Jamais pour vous détourner de Christ. Vous allez vous des autonomes, indépendants. Ça n'existe pas ça. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. C'est vrai. Que Dieu soit béni. Dans Philippiens 4, verset 7, c'est écrit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne sors pas de Christ. Reste cloîtré en Christ. Sois prisonnier en Christ. Sois un esclave de Christ. De tout cœur. De toute pensée. Et la paix de Dieu qui surpasse tout. tout Saint-Esprit. Ce qui gardera vos cœurs et vos pensées à Dieu au détente de Jésus-Christ. Vous ne pouvez jamais vous détourner de lui, ni lui tourner le dos, ni les trahir et les déshonorer. Au contraire, il est enfermé en lui. Sommes-nous d'accord? Pour remettre cette vérité, que nos pensées soient en lui. Dans 2 Corinthiens 10, on dit ceci. Verset 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. S'il y a une pensée qui déclare que nous irons au ciel d'Abraham, par la grâce de Dieu, nous la tenons capte. Par ces prédications que nous avons entendues vendredi, dimanche, aujourd'hui. Nous avons amené cette pensée à se soumettre à Christ. Et ça, c'est parce que nous avons décidé de nous tenir à la parole. Nous étions cette position au départ. Nous avons glissé comme tout le monde. On commence à croire n'importe quoi. Mais parce que nous avons pris l'importance de décision. Nous en tenir à la parole. Si une chose vient avec pompe et pression, nous restons calmes un moment. Nous amenons ça sous examen. Nous méditons et retournons un peu tout. Ici dans Deutéronome chapitre 4, nous pouvons lire encore en guise de rappel ce que le Seigneur notre Dieu a dit et qui est aussi vrai. Que Dieu soit béni, Dieu fidèle. Deutéronome 4, le verset 39. Sache donc en ces jours et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et qu'il n'y en a point d'autre. Peux-tu retenir est-ce que tu as appris à le savoir? Dieu a dit, sache-le. Et retiens dans ton cœur. Le Seigneur Dieu d'Israël. Il est Dieu en haut dans le ciel. Il est Dieu en bas sur la terre. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Yemei kaka yemei. Azabo bele yemoko. Nzambe na likolo kuna, nzambe pe awana se. Sokyo lobi Branham nde akomi nzambe. Awana se, seke Branham nde pe azanzambe kuna likolo. Banje lukuna ba osambe la gaye. Voyez ce que vous faites? Ne mettez pas de confusion. Dieu ne peut pas être Branham ici-bas et au ciel, il est Jésus-Christ. Dieu qui est Dieu, il est le même partout. Le même qui est Dieu en haut dans le ciel, c'est le même qui est Dieu en bas. Il n'y en a pas d'autre. Nous n'avons pas de Dieu. L'un appelé Jésus-Christ, l'autre appelé Branham. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom c'est Jésus-Christ. Dans le ciel en haut, et en bas sur la terre, un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ce que Branham a prêché. Et dans mon cœur, je suis en paix. Je ne veux pas confusion. Je ne veux pas de ces confusions-là. Branham était Dieu par un moment. Il est devenu Dieu momentanément. Arrêtez tous ces méditations. Laissez mon âme tranquille. On laisse ton âme à toi aussi tranquille. Oh, maintenant, ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre appartient à qui? Êtes-vous là? Oh, comme c'est si important. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et nous garde dans sa ligne. Dans sa volonté parfaite. Vous voyez ça? Ici dans 1 Chroniques chapitre 29. Verset 10 à 13. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. C'est ce que je suis en train de faire encore maintenant. L'assemblée témoin. Nous bénissons le vrai Dieu. L'unique vrai Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Amen. À toi éternel, le règne, que tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Amen. C'est toi qui domines sur tout. Et c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, au notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Ne faites-vous pas de même? Son nom vous élève. Même si j'ai fait l'opprobre, Christ va relever. Même quand ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que je vous dis, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que la colombe, l'esprit nombreux et divers, ils ne te combattent, mais ils ne te vaincront pas. Parce que la colombe, car Dieu est avec toi. Jean, vous allez longer la vie. Le Seigneur est avec toi. Paul, vous allez longer la vie. Propriété de tout. Autorité suprême. Vous pensez le Nicolas. Célèbre souverainement au Dieu. Louange à son nom. Gloire à son nom. Célébrons son nom pour toujours. Moi je l'aime, je le mérite. Je sais qu'il est vrai. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est parfait. N'est-il pas merveilleux, merveilleux, merveilleux, mon Seigneur? N'est-il pas merveilleux? Roi du cœur, je veux entendre ce que dit ta parole, mon Jésus est toujours merveilleux, merveilleux pour mon âme. N'est-il pas merveilleux, merveilleux, merveilleux, mon Seigneur, n'est-il pas merveilleux? Le roi de mon âme, je vis et entendu ce que dit sa parole. Mon Jésus n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux dans ta vie? Merveilleux dans ton travail. Merveilleux au passé et au présent. Il sera toujours merveilleux au futur. La femme que vous croyez vous accompagnera et vous conduira. C'est vrai. Amen, amen, amen. Alors, pour garder nos pensées fidèles en Christ. Je vais développer cette méditation-là. Un paradoxe au paragraphe 309. Bien. C'est sur ça que je me pose des questions. Lorsque je mourrai, qu'est-ce qu'il en sera ici? Je vais entrer dans une vaste portion du ciel. Vu que mon âme expire ici, c'est de cette manière-là qu'il faut comprendre les choses. Non. Non. Le ciel, n'est pas divisé en différentes parties pour nous là-haut. Le ciel, c'est le royaume des cieux qui se trouve à nous. C'est ce que nous attendons. Vous voyez? Maintenant, regardez. Quelle précision glorieuse tu as prise. Cette chose en soi, et ce qui produira, et fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin. Cette chose-là, cette prise de position, pour s'enterrer à la parole, et ce qui produira, et sera sans compris la victoire formidable. Vous savez que la Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Jésus a dit, si quelqu'un m'a mis, gardera ma parole. Et l'autre tabernacle est fondé dessus. Et mon bon mon habit se fendit le premier serment pour que vous soyez tabernacle de Christ. Il est celui qui garde sa parole. Depuis le 10 mars 2002, jusqu'à présent, la parole est toujours notre socle. C'est notre pierre angulaire. Quelle décision glorieuse tu as pris. Nous aussi, quelle décision glorieuse nous avons pris. Cette chose en soi, et ce qui produira, et sera s'accompli, la victoire formidable, par l'amour divin. Vous voyez, nous pourrions le dire comme suit. La victoire formidable dans l'amour divin. En anglais, divine love. Voyez, mais en français ce serait amour divin. Et en anglais, love divine. Mais divine love. C'est juste comme en allemand. Dans n'importe quelle autre langue, on place le verbe avant l'adverbe. Êtes-vous là? Maintenant, j'aimerais que nous puissions partager une dernière citation. Pour terminer la prédication de ce soir, dans les réalités infaillibles du Dieu vivant, le 26 juin 1960, les réalités infaillibles du Dieu vivant, le paragraphe 86, il a dit, en ce jour-là, connaître que je suis dans le Père, et que le Père est en moi, moi en vous, et vous à moi. Il est venu unir Dieu et l'homme. Jésus-Christ notre Sauveur. Notre Rédempteur. Il est venu unir Dieu et l'homme. Le royaume de Dieu se trouve maintenant en nous. Et en même temps, nous attendons aussi le royaume de Dieu. Dans son exercice matériel et visuel. C'est dans le domaine spirituel. Nous exerçons et nous posons les actes. Nous demandons le discernement pour être compris. Et en ce temps-là, quand le règne de Dieu entrera dans le domaine visible, tout pays pourra enfin voir. Dieu est littéralement sur le monde. Et administrant les choses sur la terre. Puisque l'homme avait été fait, pour être une aide pour Dieu. Et pour devenir lui-même le Dieu de la terre. Pas le Dieu du ciel. L'homme a été fait pour ça. Pour devenir une aide pour Dieu. Pour être une aide pour Dieu. Accomplir certaines tâches que Dieu aurait dû accomplir lui-même. Pour que l'homme s'accomplisse en son nom. Tu as été fait pour ça, mon frère. Tu as été fait dans l'homme. Pour devenir lui-même le Dieu de la terre. Tout à fait. Quand il avait perdu ses origines, l'homme. Et le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas faire expiation pour son péché. Mais le sang de Jésus-Christ a pris le feu. Comment ne pas les louer? Comment ne pas glorifier Jésus-Christ? Il conduit sur le chemin du rétablissement. Pour se mettre dans la position originelle. Dans nos droits et pouvoirs du commencement. Jésus-Christ est son nom. Et par lui, vous serez co-héritiers. Co-héritiers de lui. Selon la mesure de grâce qu'il voudra vous passer. Nous le recevrons bonnement. Avec reconnaissance. Envers lui Jésus-Christ le donateur. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Éloigné de ta parole, tu m'as envoyé un vrai prophète. J'étais terrassé par la main, la dée. Tu as compaté tes mains, guéri. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours, toi quel intérimité. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait. Agneau de Dieu, tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi m'aime, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait. Agneau de Dieu, il y a toujours un témoin. Qu'est-ce que qu'elle aime aimer. Comment en pourrais-je être loué, loué pour tout ce que tu as fait. Toi tu es la même, il y a toujours un témoin. C'est que toi tu es aimée. Comment l'on est pour elle loué pour tout ce que tu as fait. Agneau de Dieu, il y a toujours un témoin. C'est cool, pas que l'ennemi m'aimait. En bas, j'étais sans aucune constellation. Tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. J'étais pris à tomber en enfer. Tu m'as montré le chemin du ciel. Comment un pourrais-je faire louer pour tout ce que tu as fait. Ah, Maranatha, il y a toujours un témoin. En secours, chaque fois que l'ennemi m'aime. Ah, comment un pourrais-je faire louer pour tout ce que tu as fait. Ah, tu es le même, il y a toujours un témoin. Mon secours, chaque fois que l'ennemi m'aime. Comment, comment pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait. Agneau de Dieu, il y a toujours un témoin. Mon secours, pas que l'ennemi m'aime. Comment, comment, comment pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait. Tu es mon roi, tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi m'aime. Je suivais les organes d'Ancien, tu m'as manqué le message de l'heure. Connaissez pas, je ne connaissais pas le plan du salut. Tu m'as révélé ses grands. Comment, comment, comment. Alléluia. Merci Jésus. Loué pour tout ce que tu as fait. Quand tu es le même, il y a toujours un témoin. Mon secours, chaque fois que l'ennemi m'aime. Comment, comment, comment pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait. Moi je t'invoque, il y a toujours un témoin. Mon secours, chaque fois que l'ennemi m'aime. Oh, comment, comment, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait. Agneau de Dieu, tu as toujours été mon secours, chaque fois que l'ennemi m'aime. Oh, comment, comment, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait. Toi tu es le même, immuable Dieu, le même en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Mais, comment, comment, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait. Agneau de Dieu, il y a toujours un mort. Mon secours, chaque fois que l'ennemi m'aime. Comment, comment, ne pourra jamais te louer, louer pour tout ce que tu as fait. Alléluia, tu as toujours été mon secours, chaque fois qu'elle aime mes comment ne pourrais-je te louer, louer pour tout ce que tu as fait. Oh Maranatha, tu as toujours été mon secours, parce qu'elle aime mes comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait. Moi, agneau, j'ai toujours été mon secours, chaque fois qu'elle aime mes comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait. Oh, alléluia, tu as toujours été mon secours, chaque fois que l'ennemi me combat. Prions chacun maintenant. Bon, en accord avec la parole entendue, que nos pensées soient gardées en Jésus-Christ, pour ne jamais dévier ni nous révéler, rester dans l'ordre divin, l'ordre du programme de Dieu, l'ordre de la volonté de Dieu, et cela s'incarne à nous, que nous puissions chacun nous en tenir à la parole, toujours nous en tenir à la parole, sans baloter. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, tu es l'aîné que Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Dieu immuable et véritable, toi de qui viennent toutes choses, toi pour qui nous sommes, toi qui as établi Jésus-Christ le Fils de Dieu, l'empreinte de ta personne, ta forme visible, tu l'as établi héritier de toutes choses, pour faire de nous co-héritier de Christ. Recevant selon la portion que le voudra bien nous partager, laisse chacun de nous se mettre à place. Car le diable avait pensé faire pareil, de monter là au ciel, de devenir et s'asseoir là sur son trône, de devenir semblable au Très-Haut. Mais tu l'as frappé et tu l'avais humilié. Il avait été précipité. Nous ne voulons pas arracher quelque chose de nous-mêmes, mais comporter ce qui reviendra quelque chose. Seigneur, nous voulons recevoir ce que tu nous donnes. Que par le Saint-Esprit, que tu nous fais connaître les choses que tu nous as données par la grâce. Laisse que chacun se mette à sa place. Qu'il soit aligné à la parole. Qu'il aime s'en tenir à la parole. Qu'il reflète ton chemin même. Que chacun abandonne sa propre voix. Chacun abandonne ses propres pensées. Pour se soumettre à la pensée de Christ. Oh, fais-nous grâce, miséricorde. Aide-nous chaque jour et de devenir mieux, à être meilleur qu'auparavant. Nous t'appelons sur la salle Jésus. Nous t'invoquons Jésus. Pour que tu fasses grâce à nos âmes. Que tu puisses les élever. Que tu puisses les honorer. Que tu puisses nous glorifier. Que tu as promis d'honorer les âmes. Que nos cœurs soif de te connaître. De mieux comprendre ton plan. Secouru par toi, comprendre droitement les choses de Dieu, les choses du royaume de Dieu, sans perversion, sans mélange, sans confusion, sans souillure au cœur. Exauce toutes nos prières et garde tes brebis dans la croix, la croix de la sainte vie. Au nom de Jésus-Christ, prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement.